Le groupe de solidarité russe avec la République populaire démocratique de Corée a tenu le 18 juillet une réunion qui soutient la cause juste du peuple coréen. On a informé de la situation dans la péninsule coréenne et prononcé des discours. Les orateurs ont souligné que la Corée est la forteresse de l'indépendance qui contient l'ambition d'hégémonie mondiale des États-Unis et témoigné du soutien et de la solidarité avec la cause juste du peuple coréen. Par ailleurs, André Loïkele Kalonda, secrétaire général du Comité africain pour l'étude des idées du Juche, a publié le 18 juillet un entretien contre l'hostilité américaine à l'égard de la République populaire démocratique de Corée à l'occasion du mois de solidarité avec le peuple coréen.